lele, better la la la, me la gala, adiri la la la. Sans capote, les jambes écartées. Elle kiffe le profil du mauvais garçon. Au courant que je suis un jeune team. Petit veux sa chatte, elle donne pas. Monterrey, Sam Pellegrino. Les poulets d'en haut, je les ai grillés. M6, c'est la bite quand je suis quillé. Car entre les jambes, c'est ce qu'il y a. Elle dit tiens, n'y touche pas son aigrillot. Sur ta tête, j'éclate ma débousa. Je dormais la mort sous le coussin. Juste dans les poches, je suis plus conscient. Il me faut le Gucci, le Versace. Pour ce moyen clip, vas-y, bien pécho. Les tasses, la cam, les armées sont chères. Mais de la fin du mois, c'est méchant. Ils faisaient le malin dans le Benazi. On nous tient des mères, on ne menace pas. Libérer gitan, libérer d'emba. On vole chez les gens pour avoir du blé. Un peu trop fumé, combien de gens j'oublie. Quand je suis dans le mal, le jaloux jubile. Liquide démoniaque dans ma fiole. Elle aime que j'abaisse dans la violence. Un grand tout rouge vert violet. Pour faire de l'oseille, on s'isole. La plaquette, je cisaille. Coffret en haut, y'a tous mes couteaux. On avait ce qu'il est keuf, on est dégourdi. Ouais. On avait ce qu'il est keuf, on est dégourdi. Entre moi et toi y'a pas d'année. Toute la tête si ton profil y connaît. Je roule mon pétard à la Marlboro. Celui qui m'aimait bien en colère. Celui qui m'aimait bien en colère. Celui qui m'aimait bien en colère. Le cachet la guêtre tout hier. Le cachet la guêtre tout hier. Je les prends tous qui m'ont vu. Je les prends tous qui m'ont vu. Fourré dans tous les bourbillards. Je fourré dans tous les bourbillards. Fondé dans ma cité chouquille. Fondé dans ma cité chouquille. Le cachet la guêtre. Le cachet la guerre trop tout chia. Et je reprends tout ce qui m'ont pillé. Moi je reprends tout ce qui m'ont pillé. Fourré dans tous les bourbillards. Fourré dans tous les bourbillards. Foncé dans ma cité, je suis qui. Bien positionné. Mon terrain ma San Pellegrino. Toi pour le grillard. Bien positionné. Mon terrain ma San Pellegrino. Toi pour le grillard. Mais la voilà. Le cachet la guêtre tout hier. Le cachet la guêtre tout hier. Je reprends tout ce qui m'ont vu. Je reprends tout ce qui m'ont vu. Fourré dans tous les bourbillards. Je fourré dans tous les bourbillards. Fondé dans ma cité, je suis qui. Fondé dans ma cité, je suis qui. Le cachet la guêtre tout hier. Le cachet la guêtre tout hier. Je reprends tout ce qui m'ont vu. Moi je reprends tout ce qui m'ont vu. Fourré dans tous les bourbillards. Fourré dans tous les bourbillards. Fondé dans ma cité, je suis qui. Positionné, mon terrain ma San Pellegrino. Toi pour le grillard. Bien positionné. J'ai mon terrain ma San Pellegrino. Toi pour le grillard. Medego voilà. Zengo Lopez. Le gentleman. C'est ma libarano. Il est dans la loulou. C'est ma libarano. Pépite, c'est normal.